jardin, cache à toi. Dieu, oh que ce brise dans la joie. Profite des instants, adieu, modère toi, out ma père. Viens, méfalez-moi, nous allons vous chanter un bel épit à l'âme. Thank you.

Oh! Ora io Margarita, il cappello sarà vera, la vera va a venire. La vera! Il può partire. No, ma sì! Tu vedete, ma... Adieu, belle nuit.

c'est de noirs chevaux, front comme la pensée, monto, et au galop, la justice est pressée. Dans mon cœur retentit sa voix désespérée. Se mode dans de ce tourment.